La coopérative de camionnage de Saint-Félicien félicite Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien pour leur présence aux Jeux olympiques de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien sont situés au 905 boulevard Hamel, au numéro de téléphone 418-679-41-94. On va parler avec Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc. Tim Tremblay qui est sur le circuit Isoc Racing et on s'en va en temps, on s'approche de la fin de saison. Salut Tim! Salut! Tim, d'abord, comment va ta saison présentement? Au début de la saison, ça avait été comme un peu difficile, mais par la suite, que ça s'est replacé, quoi? Ouais, c'est ça, au début de l'année... J'ai commencé l'année vraiment en forme avant les compétitions. Puis il m'est arrivé une petite bad luck. J'ai tombé en pratique. Je me suis fait un gros trou dans la jambe avant le premier week-end. Okay. Donc c'était le premier week-end. Deuxième week-end, je me suis fait sauter dessus. Donc j'ai été obligé de prendre une coupe de fin de semaine off. Après ça, après les fêtes, je suis retourné à la compétition. J'ai terminé une fois sur le podium. La deuxième course a un petit peu moins bien été. Puis j'étais vraiment magané, j'avais mal partout encore de mes crashs du début de l'année, donc j'ai décidé de prendre 3 semaines off pour vraiment revenir en force. Puis dans ces 3 semaines-là, j'ai manqué un week-end. Okay. Puis là maintenant, ça fait 4 fins de semaine là, que je suis à la compétition, ça va vraiment bien. Là, je suis dans mes 2 derniers nationales, j'ai fait 3 podiums sur 4. Oh. Puis la forme reprend. Je suis vraiment sur une bonne lancée, là, ça va bien pour finir la saison. Est-ce que ça, c'est tu as encore des chances d'être dans la course au championnat? Non, pour le championnat, malheureusement, j'ai manqué comme une fin de semaine complète, plus une journée complète, donc ça me met vraiment loin dans les points. Mais je vais course par course, puis j'essaie de terminer sur le podium à toutes les fois que je vais courser. Est-ce que... quand on suit la course automobile, il y a souvent des ajustements qui se font en milieu de la saison. Est-ce que c'est la même chose en motoneige? Est-ce que la motoneige que tu as en début de saison c'est la même chose qu'en fin de saison où il y a des ajustements qui se font, il y a des réglages qui se font, on améliore la motoneige en milieu de saison? C'est quoi en fait? Est-ce que c'est la même motoneige qu'en début de saison? Ben, c'est certain que pour nous, cette année, on avait une nouvelle motoneige. On okay. avait une belle plateforme avec un nouveau moteur. Donc, nous autres, c'était vraiment nouveau pour nous autres. Puis en plus de ça, la réglementation avait changé. Tout était stock. Tu n'as plus le droit de rien modifier. Qu'est-ce qui est de le frame ou le moteur ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment du fine-tuning. Fait que pour nous autres, ça a vraiment commencé un petit peu difficilement avec la nouvelle machine parce que ça faisait 10 ans qu'on avait l'ancienne. Okay. Puis... L'équipe s'est vraiment améliorée course par course. Puis là, je te dirais qu'on s'améliore et qu'on est meilleur que ce qu'on était au début de l'année. Mais l'année prochaine, ça devrait être encore mieux. On travaille déjà pour la motoneige de l'année prochaine. Puis ça devrait sortir pas la plus fort que cette année. Est-ce que les essais sont limités comme en course automobile? Ça dépend de ton équipe. Ça dépend. Nous, on travaille directement avec Bombardier puis avec mon équipe. Okay. Puis à toutes les fois que je voulais tester cette année, j'étais blessé. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps de testing. Mais je sais que BRP, de leur côté, eux autres, ils ont beaucoup testé sur la 2019 pour l'année prochaine. Puis ça fait déjà quelques semaines que je travaille pour le 2019 aussi pour l'année prochaine pour être sûr que la machine soit vraiment prête en début de saison et qu'on n'ait pas beaucoup d'ajustements à faire durant l'année. OK. Donc, ça va quand même très, très bien. Comment tu vois la fin de saison? Là, tu es sur une lancée. Ce qui est avantageux, c'est que les pistes, tu les connais. Fait que ça, c'est un gros avantage. Oui, ben moi, c'est ça. Pour la fin de saison, c'est vraiment de donner ce que j'ai puis essayer de finir sur le podium le plus possible. Puis là, il nous reste... On a un week-end off en fin de semaine puis 2 fins de semaine back-to-back. OK. Donc, la saison achève puis je suis vraiment motivé. J'aimerais ça bien faire pour les 2 dernières courses. C'est-tu, parce que vous courez au Wisconsin, vous courez au Michigan, vous courez au Minnesota. Est-ce que c'est populaire, les courses là-bas? Y a-t-il beaucoup de monde qui assiste au... Ouais, ben c'est vraiment le plus gros championnat au monde ouais. qui compétitionne la High Shot qu'on appelle. Oui, ils ont c'est vraiment, je dirais, le Minnesota, c'est comme le Québec parcours de. Ah, OK. OK. C'est vraiment le centre que toutes les équipes sont basées, tous les manufacturiers américains sont basés. Donc, c'est vraiment la place aux États-Unis pour la motoneige. Puis oui, il y a beaucoup de personnes qui vont voir ça. Ça dépend toujours de la température. Je dirais que si c'est moins 30, il va y avoir moins de monde, mais quand la météo est bonne, il y a quand même pas mal de spectateurs. Tim, j'ai cru voir aussi, je suis allé sur les médias sociaux, sur ta page, tu n'as pas signé un contrat avec Yamaha pour en motoneige? Pas en motoneige, mais en motocyclette pour cet été? Oui, j'ai de retour en motocross. Dans le fond, je vais rider un Yamaha pour pratiquer. Puis je vais slacker les courses pas mal de mon côté. Je profite de championnat au complet. C'est plus, je vais plus avoir un rôle comme ambassadeur, puis travailler avec l'équipe Motorsport Saint-Césaire. Puis je vais peut-être faire une foule de courses, mais je suis vraiment un peu en semi-retraite là, en motocross là, pour vraiment reprendre des forces puis être vraiment à 100% en snowcross. Ouais. Puis de m'occuper de ma famille aussi, puis faire d'autres choses. Durant l'été, là, à des activités un peu avec les enfants. Parce que ça pogne aussi, j'imagine. Là. Ça le motocross? Oui, ça pogne aussi. Une personne qui veut se consacrer au motocross, ça peut pogner autant que le snowcross. Là. Ben oui, c'est certain. Moi, ça fait, ouais. Ça fait à peu près 20 ans que je fais du motocross. Donc, ça fait longtemps. Puis, tu sais, j'ai plus 20 ans non plus. Mais non. J'ai vraiment essayé d'allonger de mettre ma saison de snowcross le plus longtemps possible dans ma carrière, je veux dire, de la rallonger la plus possible. C'est pour ça que je veux l'été seulement m'entraîner, peut-être faire une couple de course, puis moins de risques de blessures de ce côté-là. Ouais. Ben, Tim Tremblay, un gros merci. On va se reparler, on va suivre ta saison, puis on se reparle. Ouais, parfait, merci. Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc. Merci.